Niko na lamkia kila ndugu na kila dada mjini Yesu Kristo. Je salue chaque frère, chaque sœur dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons merci à Dieu de nous avoir accordé la journée. Je ne sais pas si vous avez la joie. Que Dieu vous bénisse si vous avez la joie. Nous sommes venus encore pour parler de la part de Dieu. Et la parole de Dieu accorde toujours à ses enfants la joie. Si toi, tu n'es pas contente lorsque la parole de Dieu est prêchée, tu n'es pas enfant de Dieu. Même dans la chair, lorsqu'un parent parle, les enfants sont contents. Lorsque papa a fait longtemps en voyage, les enfants ont vraiment envie de voir leur papa. Au retour, c'est tous les enfants qui seront contents. Un enfant de Dieu aussi, il aime la parole. Lorsque vous voyez quelqu'un en train de fuir la parole, cela veut dire que sa foi n'est pas correcte. Nous saluons également le frère qui nous suit comme Tandao. Nous pouvons changer un peu de sujet. Levons-nous pour la lecture de la parole. Nous ouvrons nos Bibles, moi, Falme en Kwanza, Suraki à Kumina Saba, versets 8 jusqu'à 16. Moussariaki et Amnane, Kufika, Pakana Kumina Sita. Moi, Mounaweza Kwanzia, mon verset à Kwanza. Vous pouvez commencer dans son premier verset. Namunasoma tout chapitre et ôte. Et vous allez lire tous les chapitres. Bigoutou bien, Kubisoma. C'est tellement bien en lisant. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Sasa, neno amilele kamolekea muhimu semo. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Lamuka, na wende kwa kusarepta yenye kuya muja Sidoni. Et demeure là. Na utabaki apale. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Tazama, ni yamuru muyane moya apate kulisha. Il s'éleva à la Sarepta, Akalamuka na kuenda kule kusarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, mpaka vile aranza kuingia muji, voici avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Na tazama kuliko mwanamke muyane alikuwa analokota mankuni. Il appela et dit, akamuita na akamwambia, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Na kusi wendo kanitafutie kumai mchombo mafulani kusudi nipate kunya. Elle alla chercher. Ule muyana akaenda kutafuta. Elle appela de nouveau et dit, akamuita tena akamwambia, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Niko na kusi unilete ko kipande ya mkate mkono yako. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Akamujibu, wa milele Mungu wako ni mujima. Je n'ai rien de cuit. Jana kito takimwa cha kuivya. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot. Lakini tubunga tutuloko muchombo. Un peu d'huile dans une criche. Na mukam mukriche mukutumafuta tuloko. Et voici, je ramasse des morceaux de bois. Natazama na lokota inkuni mbiri. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Eli lui dit, ne crains point. Eli akamwambia ushongope. Rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Na utenilete ayo. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Hisha njo tafanya yako na mtoto yako. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans les pots ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface des sols. Et là, elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans les pots ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Dieu notre Père, nous voici encore devant toi. Avec crainte et tremblement. Parce que c'est toi le seul Dieu vrai. Lorsque nous venons à toi, c'est parce que nous croyons que l'unique personne qui peut nous aider, c'est toi. Personne n'est venu à toi et rentré tel que. C'est qu'ils étaient venus méchants. Mais dans ta présence, tu les sauvais. Qu'ils étaient venus avec des difficultés. Toi, tu les aidais. Il y a beaucoup de problèmes auxquels toi tu résoudrais qui étaient impossibles aux hommes. Et nous aussi, nous croyons qu'aujourd'hui, tu es toujours le même Dieu. Tu avais visité la femme. Tu es le même Dieu. Tu avais nourrir les gens au désert. Tu es le même Dieu tu n'as pas changé. Et nous aussi nous croyons que lorsque nous te faisons confiance, ce que tu avais fait jadis, tu le feras pour nous. Nous venons de lire ta parole. Nous invitons ta présence du début jusqu'à la fin que tu puisses te mener. Tout pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, te prions ainsi. Amen. Amen. Cette semaine, nous voulons parler un peu sur ce sujet. Intitulé « Soyez certains de Dieu ». Inyekuitwa muwe na wakika ya Mungu. Je pense qu'il y a tout un dambali sana na sujet le turifuata juma ile iripita. Nous ne pouvons pas aller très loin de ce sujet que nous avons suivi la semaine passée. Il est turikwa na semea Dieu a laissé échapper la pression. Quand on était en train de parler, Dieu a moitié kusonga kutoki. Dieu a parlé sur beaucoup de choses. Et si un homme est attentif, et il veut recevoir la révélation de Dieu, c'est ce que Dieu, notre Dieu aime beaucoup. Lorsque vous venez comme ça, Dieu, il est obligé de te révéler et te dit même la pensée de ce message. Et cela va vous aider. Toute votre Mungu ashitumake neno yake juu ya kupatia watu ufahamu. N'envoie pas sa parole pour donner la connaissance seulement aux Mungu hommes. Ashitumake neno yake. N'envoie pas sa parole kwa bule. Pour rien. Ni kusema kuko mtu moya. Cela veut dire il y a un homme. Ao dada moya. Ou une sœur. Ule Mungu eko na vise pa ile mambo. Auquel Dieu est en train de viser sous ses problèmes. Eko na besoin na kumsaidia. Il veut aider la personne. Ndio kwa maana Mungu anatuma neno. Voilà pourquoi Dieu envoie sa parole. C'est pourquoi ba Christo. Les chrétiens. Ni bantu benye kutungwa mnamna kwa sana na bantu bote. Des hommes qui sont vraiment conçus différemment de tout le monde. Sa vile neno ya Mungu ndio chakula ya watoto ya Mungu. La parole de Dieu c'est ça la nourriture des enfants de Dieu. Mtoto wa Mungu wa biakweli. Un enfant de Dieu. Achiweze kuishi bila neno. Il ne peut pas vivre sans la parole. C'est impossible. Nyakushindakana. Mtoto wa Mungu yeye anapendaga siku yote. Il veut chaque jour. Afike mu présence ya Mungu. Arriver dans la présence de Parce Dieu. Parce que mamwambie kwa neno hata moya. Dit même de quelques mots. Itaweza kufariji roho. Cela va consoler son cœur. Mais kama unasikia neno ya Mungu inakuwa kwako bujito. Si vous voyez que la parole de Dieu devient pénible pour vous. Kuko kitu kimoya kiendeke. Il y a quelque chose qui ne va pas. Na unapasha kuomba Mungu. Et tu dois beaucoup prier. Omba Mungu sana. Et beaucoup prier Dieu. Bila kufanya mizaha. Sans faire de blague. Parce qu'il est membre de la ville. Parce que de telles situations, les gens peuvent te voir que tu es un bon sœur. Les gens peuvent remarquer que tu es un bon frère. Mais la parole de Dieu en vous, ça vous énerve. Et pourtant, la parole ici, si tu envoies ses enfants, si tu as un tel comportement dans ton cœur, tu dois te poser la question, est-ce que réellement je suis un chrétien ou pas? Le témoignage te dira que tu n'es pas un enfant. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Et dans ton cœur, la parole de Dieu te gêne. La parole de Dieu, elles peuvent être prêchées et ça te condamne. Mais cela ne peut pas me blesser. La parole de Dieu peut me condamner et pour me pousser à regretter ce que je fais. Et je me force pour quitter sur cette voie. Mais la parole de Dieu ne peut pas, lorsqu'elle est prêchée, ça m'amène à m'absenter même à l'église. Non. Si cet esprit elle est en vous, tu n'es pas enfant de Dieu. C'est la vérité. Nous parlons sur l'histoire qui s'est passée à l'époque du roi Akab. Avant de nous plonger dans notre pensée, je voulais d'abord vous faire voir l'histoire. Voyez d'abord ce qui s'est passé. Parce que les esprits qui animaient les gens, c'est ce sont le même esprit qui anime les gens dans notre âge. Dieu n'a pas changé sa façon de faire. Lorsque le peuple se révolte de Dieu, Dieu aussi les laisse, les abandonne. À chaque époque, ça a toujours été comme ça. Mais lorsque les gens aussi honorent Dieu et ils s'efforcent à faire la volonté de Dieu, Dieu, il est aussi parmi ses peuples. C'était pendant le règne du roi Akab. Israël avait passé de mauvais moments avec ses rois. Parce que c'était un roi méchant. Plus que le roi qu'ils ont précédé. Et à cause de sa méchanceté, ce qu'il avait fait en Israël, cela a poussé Dieu de les abandonner. C'est la vérité. Donc, c'était un méchant roi. Et il dominait d'une mauvaise manière sur Israël. Et ce que chaque fois et chaque soeur doit savoir, regardez nous. Angaria dada. Regardez ma sœur. Kama mufalme anakuya mubaya. Lorsque le roi est devenu mauvais, anekalaka mkuharibisha inchi. Il détruit voire même le pays. Aina baka mufalme. Ce n'est pas seulement le roi. Mudunia umu. Dans ce monde. Muko bantu ba mingi. Nous avons beaucoup de gens. Kama banampatia tout responsabilité fulani. Lorsqu'on lui donne un petit responsabilité, il commence à se comporter comme Dieu. Mais ce n'est pas une bonne chose. Que Dieu bénisse. C'est ça le comportement du païen. Et si vous voyez la destruction de ce monde, c'est parce que beaucoup de gens qui règnent sur la terre, ils sont en train de dominer avec méchanceté. Sur cette terre, vous allez voir, si on vous donne une petite responsabilité seulement, la personne, il se croit vraiment plus supérieur de tout le monde. Il ne respecte personne. En ce moment-là, il commence à faire des choses. Parce qu'il sait que dans ce coin-là, c'est lui qui domine. Ce n'est pas correct, Ndoku. Ce n'est pas une bonne chose, ma soeur. N'importe quelle responsabilité que Dieu veut vous donner, que ce soit dans l'entreprise, Partout où vous voyez que vous avez une certaine responsabilité afin de diriger quelques personnes. Ne pense pas que les autres sont devenus des insensés. On est ensemble. Aujourd'hui, les gens qui n'ont pas Dieu, lorsque on le fait, on lui donne quelques responsabilités, c'est fini, il croit que tout le monde est en voyage. Je regarde même quand lorsqu'on voyage, vous voyez des receveurs comme on lui a donné la responsabilité de récolter. Vous croyez que il y a quoi Mungu dans ces véhicules? Ce n'est pas une bonne chose. Même si tu as des responsabilités, tu as tes subalternes qui te considèrent. Ne pense pas qu'ils sont devenus des animaux. Même si tu es chef au travail, même si tu es enseignant à l'école, même si tu es, tu crois que tu es vraiment à un endroit où tu es vivant, ne considère pas tes subalternes comme si ce sont des bêtes. Apana frère. Non, Ndouk. Apana dada. Non, ma soeur. Nikitu kimo kibaya. Ce n'est pas correct. Mukristo asiweze kuishi vile. Un chrétien ne peut pas vivre comme Niko ça. Pena nianzie huku. Je voulais commencer par ici. Et après, nous allons arriver sur la fin. Parce que Israël, ils sont passés dans des moments très difficiles. Dans des moments et le roi qui régnait à cette époque avec méchanceté, c'est ce que nous voulons parler. Même si on vous donne une certaine responsabilité quelque part, partout où on peut vous donner la responsabilité, tu sens que tu es quand même responsable là-bas. Ne pense pas que les autres sont devenus des insensés. Ma responsabilité est mingi. Il y a plusieurs responsabilités. Être quelque part pour récolter peut-être l'argent. Tu peux te mettre quelque part pour guider les autres. Partout, vous pouvez vous retrouver avec une certaine responsabilité. Ne pense pas que les autres sont devenus derrière. Et vous allez voir quand quelqu'un est en train de diriger. Lui, il fait tout ce qui lui monte dans son cœur. Il peut insulter les gens. Il peut décider de licencier les gens. Il fait ce que là où vous passez, vous les subalternes, vous n'avez rien à lui faire. Et ça, ce n'est pas correct. Un enfant de Dieu, même si on vous donne la responsabilité dans son cœur, en dehors de la responsabilité, il sait qu'au ciel, il y a un Dieu. Et dans son cœur, il y a beaucoup de crainte parce que c'est que dans tout ce qu'il fait, il y a un Dieu qui va lui appeler en jugement. C'est comme ça que les chrétiens font. Les chrétiens ne font pas les choses au hasard. Ma responsabilité, il n'a pas dans ma société. Les responsabilités, ce n'est pas seulement dans les entreprises. Dieu peut vous donner un peu de moyens. Vous construisez une entreprise. Et vous, les gérants, vous embauchez les gens. Mais ça, les gens ont comporté comme Dieu. Les gens ont tendance à se comporter comme Dieu. Donc, vous avez des responsabilités. Il voit que ces subalternes sont des gens qui n'ont pas de valeur. Ils n'ont pas du prix. Des gens de rien du tout. Des gens de il peut licencier comme il veut. Il peut payer selon son bon plaisir. Non, Ndouk. Un enfant de Dieu dans tout ce qu'il fait. Dans son cœur, il y a la crainte de Dieu. Même si vous avez de l'autorité sur quelqu'un, mais il ne faut pas faire souffrir le dernier. Il ne fait pas des mauvaises choses sur ce dernier. Ne lui traite pas comme une bête. Même si quelqu'un qui te sert à la maison, tu l'embauches, tu lui payes l'argent comme tu veux. Tu considères comme si c'est quelque chose qui n'a de moindre valeur. Un enfant de Dieu, il craint Dieu. On est ensemble. Un enfant de Dieu, il craint son Dieu. Même si on vous donne de l'autorité, c'est vous qui gérez. On vous donne des responsabilités. Dans ton cœur, tu dois avoir la crainte de Dieu. Il y a d'autres personnes. Ma soeur. Lorsqu'il vous embauche, il pense que tu es quelque chose de moindre valeur. Il peut tonner sur toi. Même si tu n'as rien fait, il peut te couvrir de honte, te ridiculiser. Même si tu n'as rien fait, il peut te payer. Quand lui veut, même si le mois c'est privilégié, il est en train de privilégier ses affaires. Il pense que tu n'as pas vraiment des valeurs. Les chrétiens, ils n'agissent pas comme ça. On est ensemble. Les chrétiens, eux, ne font pas ça. Les enfants de Dieu doutent. Les enfants de Dieu, ma soeur. Même lorsqu'ils dominent quelque part, tu ne peux pas voir ces subalternes de moindre valeur. Non. Il est ni méchanceté. Et Rombaya. Ni Rome baya. C'est la méchanceté. Rome baya. Et cette méchanceté, du temps de la Bible, il y a des conséquences. Vous savez, ces conséquences. Na we, nduku, na we, dada. Vous aussi, mon frère, ma soeur. Ule, on a kabale, bene, kwa, chini, yako, bule. Vous qui ne considérez pas vous notre Dieu, sachez que Mungu wetu ne change pas. Ayabadilika. Notre Dieu ne change pas. Il est toujours le même Dieu. Pas car où les mungu ma moya. Kama wewe onaki na considération. Si toi tu ne considères pas. Bantu bene kuya chini yako. Subalterne. Uyo ya kusema uko na dossier na mungu. Sachez que tu as un dossier avec Dieu. Uko na dossier. Tu as un dossier avec Dieu. C'est la vérité. Nukweli. Aina kitu kizuri. Ce n'est pas une bonne chose. Leo tuko na bantu frère ngala ta mama. Par exemple, ça va chinois. Regardez comme les Chinois. Dès qu'on n'a pas de ma bénéfice, y a mingi. Ils ont beaucoup de bénéfices. Mais comme on a un salaire, on n'arrive pas à Congolais. Mais quand vous regardez les salaires qui sont en train de donner aux Congolais, c'est les surprises. Ça, dans leur cœur, il n'y a même pas l'odeur de la chrétienté. Ma souffrance, il y a mon tout. Il prochain dans leur cœur, ça ne le touche pas. Parce que ni bantu babaya. Question de méchants. Bana mupatia bukubwa. On lui donne des responsabilités. Il a des moyens. Comme quelqu'un veut ni mashikini loake. C'est un pauvre. Oh, ouais, on a profité vile ni mashikini. Tu profites comme si il est pauvre. On a mutendia vile on apenda. Tu fais comme tu veux. Tu vas rencontrer Dieu. C'est la vérité. Nous quoi? Biblia iko nasema hivi. La Bible dit ceci. Proverbe 14. Mesali. Opprimer les veuves. Kama unateswa mjane. Opprimer les pauvres. Kuteswa masikini. C'est outrager celui qui l'a fait. Ni kutukana ularimumba. Mais avoir pitié de l'intelligent. Lakini kushikilia kwa masikini buluma. C'est l'honneur. Ni heshima. Mungu apote mbariki. Que Dieu bénisse. Kuteswa mashikini. Opprimer le pauvre. Ni kuchambula Mungu. C'est insulter Dieu. Mungu apote mbariki. Que Dieu bénisse. Ni kusema kama uko naona bantu bale uko natumika nabo. Si vous pensez que les gens bale beko na dépendre na ile kazi yako. Tes sujetis, tes sibaltiens. Bale we uko na tawala. Les gens que tu es en train de diriger. Ikuye mu société. Que ça soit dans une entreprise. Ikuye mu kiosque. Que ça soit ikuye mu entreprise yako. Ou dans ton entreprise. Mais uko na bona sa bantu ba pule. Tu penses que tes sibaltiens sont des gens de moindre valeur. Tu le payes quand tu veux, tu fais tout ce que tu veux. Sachez bien, tu es en train d'insulter Dieu. Et ce n'est pas une bonne chose. C'est une mauvaise chose. Un enfant de Dieu ne peut pas diriger avec méchanceté. Non, Duku. Non, ma soeur. Un enfant de Dieu, lorsqu'il est en train de diriger, il est en train de diriger avec amour, il est en train de diriger avec compassion, il ne peut pas diriger avec méchanceté. Beaucoup de gens, lorsqu'on lui donne des responsabilités, il a des moyens où il devient chef quelque part, il pense que là où il est arrivé, il est devenu intouchable. Alors que ni bongo. Et pourtant c'est faux. Mungu apate mbariki. Que Dieu bénisse. Ni bitu bia bongo sana. C'est faux, c'est très faux. Ata kama leo kuna dominé. Même si aujourd'hui vous êtes en train de dominer. Kama unaangalia histoire. Si vous regardez bien dans l'histoire. Utakuta kulikuwa bantu pengine walikuwa puissants kukupita. Vous allez voir que il y avait des gens qui étaient très puissants. Bantu bote banatawalaka na roho mbaya. Tous ces gens qui règnent avec méchanceté. Banaishaka paka mbaya. Ils finissent toujours très mal. Parce que Dieu n'est pas content. Et ils pensent que ils sont devenus intouchables. Il fait des choses. Il regarde devant. Il regarde derrière. Il s'est dit, ces gens ici, ils vont me faire quoi? Et derrière, ils sont des pauvres, masquins. Dans leur salaire, on peut faire même 200 salaires. Alors, ils doivent souffrir encore pour me servir davantage. Ce n'est pas une bonne chose. Ça, c'est une très mauvaise chose. Même s'ils sont incapables de quelque chose, mais sache qu'au ciel, il y a quelqu'un qui est capable. Lui, il peut te faire quelque chose. Le Dieu que nous croyons, c'est lui qui fait des pauvres des riches. Et le Dieu qui peut faire un riche devenir pauvre. C'est pourquoi, frère. C'est pourquoi, ma soeur. Lorsqu'on vous êtes des gérés, vous êtes responsable quelque part dans le monde, n'importe quoi. Soyez conscient, conscient que celui qui vous a donné ses responsabilités, c'est Dieu. C'est seulement Dieu. Que c'est lui qui vous a donné ses responsabilités. Et peut-être toi aussi ton nom. Ah, c'est fait en toi de toi, Kambo. N'y pense pas, c'est à cause de tes études. Il y a des gens dans la cité ici qui ont fait des études plus que toi, mais ils ne sont même pas connus. C'est la vérité. Nous quoi? Il y a des gens qui étaient très intelligents à l'école. Les autres, ils étaient premiers de la classe, deuxième de la classe, premier de la classe. Toi, deux fois, tu étais 15e de la classe. Sache que si aujourd'hui on vous a donné une certaine responsabilité, c'est Dieu qui a autorisé cela. C'est Dieu qui t'a donné cette responsabilité. C'est pourquoi mon Christ, je commande un chrétien, partout où il travaille, il craint son Dieu. Il craint Dieu. C'est la vérité. Donc oui. Lorsque vous prétendez que à ce niveau, il n'y a rien qu'on peut me faire, vous êtes devenu intouchable, là tu te dis, il n'y a rien. Et lorsque vous arrivez dans de telles conditions, sachez que vous êtes sur le point de tomber. Que Dieu bénisse. C'est ça même l'erreur de ce roi. Le roi Akab, comme lui, il était roi. Il s'est dit, il est capable, tout ce qui monte dans son cœur, il peut le faire. Et Dieu ne peut rien faire. Frère, il faut que nous devons avoir la crainte de Dieu. Kama unaanza kufanya mambo. Lorsque vous commencez à poser, et dans ton cœur tu sens que hata kama unafanya kitu même kibaya, si tu fais une mauvaise chose, rien ne peut arriver. Sachez que tu es sur le point de tomber. Tu es sous le point de tomber. Pourquoi? Parce que notre Dieu, tu peux opprimer quelqu'un. Tu fais de mauvaises choses. Notre Dieu, il patiente. Il a la patience envers toi. Ce que vous devez savoir, et ce que tu dois savoir, dans tout ce que tu fais là, notre Dieu qui a longanimité et sa longanimité a une fin. Dieu peut te patienter cette année. Peut-être une année ingine. Voire même l'autre année. Mais comme on a goûté, on a exagéré. Mais lorsque remarque que tu commences à exagérer, Dieu peut arrêter sa patience. Et lorsque Dieu arrête sa patience sur sa vie, tu dois savoir que les problèmes vont commencer. Et si ce sont les problèmes qui viennent de Dieu, tu vas taxer les gens des sorciers. Si ça vient de Dieu, nous allons beau prier ici et rien ne marchera. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que tu as dépassé la patience de Dieu. C'est la vérité. Que Dieu bénisse. Un enfant de Dieu, lorsqu'il fait quelque chose, il cherche à se rassurer. Est-ce dans ce que je suis en train de faire, il y a la volonté de Dieu. C'est comme ça un chrétien, peu importe, il ne fait pas les choses au hasard. Non. Lorsque vous commettez, sachez que vous encaissez ma cocotane avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, la Bible dit, Deutéronome chapitre 29. La Bible dit ceci. Verset 19. La Bible dit ceci. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, kushiko mtu atamu akisha kushikia imaneno ya agano yenye tubeba na kilapu kiapo, se glorifie dans son cœur et ne dise, ashende tukuzana na moyo wake na kusema, j'aurai la paix quand même, je suivrai les penchants de mon cœur, salama yo mitakuwa nayo hata kama nafanya kipendaro yangu. Et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. Na mitengeza bulevi kukiu yangu. Biblia nasema sema mtu hata moya shijilani. La Bible dit ne vous y trompez pas. Mungu wetu mubile biote kuna fanya kuna konte. Dans tout ce que tu fais, Dieu est en train de compter. On a l'histoire ya Belshazzar. Vous connaissez bien l'histoire de Belshazzar? Il kwa ni wakati moya ile mu Babylone bari kuweka déjà wanakuwa grande puissance. C'était lorsque Babylone est devenue une grande puissance. Ça veut dire leur ville était entourée de makuta mnene. Et il y avait aucun pays qui s'opposait dans cette ville de Babylone. Ils avaient commis de mauvaises choses. Mais tout ce qu'ils étaient en train de faire, Dieu, il était en train de les patienter. Que Dieu bénisse. Mais non, et ils pensaient que à ce moment-là, rien ne peut faire. Frère, regardez nous. Mambo yote kuna fanya. Tout ce que vous pouvez faire. Il est bantu baba yume ya mubaya. Que les gens ne savent pas. Sachez que à la longue, ça va te rattraper, il t'a kukuta. C'est la vérité. Nous quoi? Pate, ou choisir kusema. Ne pense pas. Ou côté privilégié Mungu. Aux yeux de Dieu, tu es privilégié. Kupita bantu bengine. Plus que les autres, non. Mungu wetu. Notre Dieu. Anawekaka bantu bote mukipimo kimoya. Il prend tout le monde au même niveau d'égalité. C'est comme ça notre Dieu. Si aujourd'hui tu penses que tu vis en paix en faisant des choses interdites, sache que tu n'es pas plus malin. Tout ce que tu fais dans le noir, ça finira par te rattraper. Ça va te rattraper. Il est maman Boutakouta. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Mungu aba mchekelea. Qu'un homme aura semé. Kile muntu atapanda. La Bible dit, il est moissonnera. Atekivuna. C'est ce que dit la Bible. Je voulais bien c'est. Mais ouais, on risque déjà de s'aimer. Oui, kupanda, njo usha kupanda. Mais attaka mapanakawa. Même si ça fait longtemps. On a pas ça vous dit attendre pour moisson. Utapvuna paka. On a pas ça kuchunga kufuma. On a pas ça kuchunga. Bon, ça ouais, bila oripanda. Maintenant, toi, c'est que tu as semé. On a wazia c'est nana ta kufunia. Tu penses qui va récolter ça? On a wazia c'est nana ta kufunia. Qui va récolter pour toi? Qui l'a hâte qu'on a posé? Tout ce que vous posez comme acte, tout ce que nous faisons, nous devons savoir que ça finira par nous rattraper. Même si nous faisons semblant. Parce que si ça ne vous rattrape, Dieu sera injuste. C'est la vérité. Nous quoi? C'est pourquoi mon Christ, frère. On a un chrétien. Mon Christ, dada. Un chrétien, ma sœur. Avant de faire quoi que ce soit, il réfléchit d'abord. Il réfléchit pendant longtemps. Dieu a eu posé acte n'importe quel acte. Acte yote, il est conscient, il y a qu'au frère. L'acte que je conscience fais, y a qu'au dada. Et ta conscience, il mon frère, ma soeur, te reproche. Si vous commettez ça, il t'a fait qu'à pas qu'à moukouleta bibaya. C'est la vérité. Nous quoi? Au chevalier, vous savez, c'est tellement intelligent. Ne pense pas qu'il y a un akiri sana. Apana. Non. Biblia, qu'on a sema, la Bible dit, muntu mwenye kuya intelligent, un homme sage et intelligent, c'est celui qui s'éloigne de mal. Ni ule anakimbiaka bubaya. Jo intelligent. Jo akiri. Aina weye. Ce n'est pas toi. Biote bilo kuna chunga, frère. Tout ce que tu gardes encore. Mungu akona kuvumilia. Et Dieu te patiente. Eko na kuachia wakati. Il te donne le temps. Si tu peux revenir en toi et arranger les choses. Mais si tu continues, tu dois savoir que la patience de Dieu a ses limites. C'est la vérité. Nous quoi? Oyo mufalme. Ces rois. Ashiku raisonné ville. Ils n'avaient pas raisonné de cette façon. Il sait que lorsqu'il est devenu roi, et il sait qu'il a l'armée derrière lui, même s'il fait quelque chose, c'est lui qui va oser ouvrir sa bouche, il peut ordonner et il sera décapité. Est-ce que tu es? On est ensemble. Mais au ciel, il y a un homme. C'est la vérité. Atakama unakuya responsable. Même si vous êtes devenu responsable. Ne pensez jamais. Même si vous posez les actes qui frustrent les gens, ils vont capacité à faire. Et ces gens-là n'ont pas la capacité. Na wewe unawajia tu yakusema sema uko mkubwa. Et toi, tu te crois que et ça, ça va terminer comme ça. Non, mon frère, ma sœur. Kama kuna frustré bantu. Lorsque vous êtes en train de frustrer les gens, dans n'importe quel domaine, sachez que ces problèmes vont vous rattraper. Ah frère, attends quand on va dans Chirika. Donc même s'il s'est énervé. Dada, quand on va dans Chirika, tu vas te faire. Et maintenant, ils vont faire quoi? Moi, je ne marche pas sur leur front. Même s'il s'est énervé, c'est leur problème. Et si l'ose encore continuer, je vais le licencier. Quoi? On a quoi, Mungu? Nio, tu es devenu Dieu, hein? Muzuri. Merci. Uvumilivu ya Mungu, frère. La patience de Dieu. Uvumilivu ya Mungu, la patience de Dieu, ma soeur, elle a ses limites. Na mutoto wa Mungu anapasa kujua. Un enfant de Dieu doit le savoir. Mais le roi Akab, lui, il s'est croyait qu'il est devenu intouchable. Et je t'en ai parlé de l'histoire de Belshazzar, vous connaissez l'histoire. Belshazzar, lorsqu'il s'est croyait qu'il est devenu intouchable, le Dieu du ciel, il est tellement terrible. Parce que Mungu etu, c'est notre Dieu. C'est lui qui diminue les orgueillés. C'est la vérité. Mungu etu, frère, comme on a notre panda, Dieu. Si toi tu montes, tu montes, tu deviens vraiment orgueillé. Mungu notre Dieu, il va te rabaisser et tu auras honte de rester même dans la cité. Mungu est terrible. Il est terrible. Mungu que Dieu bénisse. Belshazzar, il avait fait des mauvaises choses. des très mauvaises choses comme son père Nebuchadnezzar. Et il a fait l'erreur pensant que tout lui est permis, il peut tout faire. L'Ève dit, il est allé même toucher aux ustensiles de la maison de Dieu. Il est allé toucher les choses consacrées à Dieu et venir utiliser pour la bière. Là, Dieu a dit, tu as dépassé les limites. Que Dieu vous bénisse. Il y a des actes, mon frère, ma soeur, que vous pouvez poser et Dieu te dit, tu as dépassé une... C'est tout pas moi, hein? On est ensemble. C'est comme ça notre Dieu. Il sera incapable de supporter. Alors que comme on a regardé l'histoire de Babylone. Et pourtant, si vous regardez dans l'histoire de Babylone, comme ils étaient puissants. Comme ils étaient puissants. Et Dieu les patientait. Et à tout moment, il y avait des guerres, on les attaquait. On venait pour ravir leur terre. Mais ça vit le monde comme Dieu était patient envers eux. Et ces pays qui voulaient le faire la guerre n'arrivaient pas à réussir. Que Dieu bénisse. Et c'est pourquoi vous voyez que lorsqu'il a une vie de dissimulation, il est en train d'escroquer les gens. Mais il voit à un moment, c'est comme s'il est en train de progresser dans ses affaires. Le progrès qu'il a dans ses affaires, c'est pendant le jour où Dieu est en train de patienter encore. C'est la vérité. Nous quoi? Mais le jour où Dieu va se dire non, ça n'est assez de tout ce que tu as fait. Utashanga. Tu vous serais étonné. C'est la vérité. Nous quoi? Mungu alituma tu barikwa mu fête. Ils étaient dans une grande fête. Banashikia tu mukone naanza kuandika. Ils ont constaté au mur une main qui écrivait. Mene mene tekel ou farsin. Mene mene teken ou farsin. Et lorsqu'on a interprété ces écrits, on est Banakupim, Banakupim, Sabiwa, Banakabula. Tout ce que tu fais, Dieu, il a une balance, il a sa parole, et il regarde ta vie. Il regarde. Lorsqu'il voit que le mal prime, et Dieu va te lâcher. C'est comme ça. Et vous connaissez bien la fin. Mais et Akab lui aussi. Il pensait que il peut tout faire et Dieu ne fera rien. Les enfants d'Israël. Dieu les avait donné la loi de ne pas épouser des femmes étrangères. Mais lui, il s'est dit, comme je suis roi, même si j'épousais une femme étrangère, qu'est-ce que ça va faire? Il est allé chercher Jézabel. Et Jézabel, elle avait beaucoup de phares, elle s'est maquillée. Elle est allée aimer cette femme et l'a amenée jusqu'à Israël. Mais le roi ne savait pas que l'erreur qu'il avait commis, ça va les apporter les ennuis. Et cela les a apporté les ennuis. Lorsque Jézabel, la femme qui s'est maquillée, dans la Bible, l'unique femme qui s'est maquillée, c'est seulement Jézabel. C'était une femme répugnante. Elle mettait de poudre. Elle mettait de mèches. Elle faisait des choses de ses mains. Tout ça pour attirer encore davantage. C'est quoi Koubadada? Lorsque vous voyez une sœur avec l'esprit de maquillage, elle n'est pas croyante. Elle est païenne. Voyez une femme, elle a envie de porter les habits très serrés. Pourquoi? Parce qu'elle veut lorsque un Akab va remarquer parce que Akab a quoi il faut acheter quoi imani et lorsque un Akab va remarquer et envier un peu ses formes, ses bassins et tout ce qu'elle cherche à montrer afin de tomber dans l'adultère avec son Akab, et cela n'est pas correct. Une fille de Dieu s'habiller décemment. Ah, pas d'une manière à faire montrer tes sous-vêtements. Tu laisses tes cuisses à découvert. Tu laisses tes seins à découvert. Et puis tu viens à l'église. Tu viens à pour adorer. Pour se chercher un Akab. Tu viens chercher quoi? Il y a d'autres personnes. Elle vient à l'église. Que je sois remarqué aussi qu'on puisse m'épouser. Tu vas trouver Akab. C'est la vérité. Nous un enfant de Dieu, le mariage l'intéresse moins. Maintenant, il est allé construire ses alliances. Aller épouser la prostituée. Et lorsque cette femme est venue en Israël, elle a amené tout le paganisme en Israël. Mais les enfants d'Israël, ils se sont allés. Et il y avait du désordre maintenant dans le pays. Pourquoi? À cause d'une seule personne, c'est lui qui a brisé la parole de Dieu. Et la femme a séduit la cab avec le maquillage. Un enfant de Dieu véritable, tu ne peux pas le séduire avec de mèches. Tu ne peux pas séduire un enfant de Dieu avec la poudre. Tu ne peux pas séduire un enfant de Dieu avec des accoutrements indécents. Si vous voyez quelqu'un qui vous aime parce que tu t'es habillé d'une manière sexy, c'est un chrétien rétrograde. C'est la vérité. Nous quoi? Un enfant de Dieu ne peut pas être séduit avec toutes ces choses-là. Non. Un enfant de Dieu, ces choses-là ne peuvent même pas le séduire. Regardez maintenant aujourd'hui. Une femme s'habille caribou tout. Et elle pense que la façon dont elles sont en train de s'habiller, elles peuvent trouver le mariage facilement. C'est pourquoi le mariage est difficile. Parce qu'un homme normal ne peut jamais aimer une femme parce qu'elle a exposé son corps. Non. Non, mon frère. Non, ma soeur. Toi, tu es là. Si là. Lorsque tu regardes une fille, tu dis, elle a des bassins. Elle a une bonne forme. C'est ça, être à Cab. C'est la vérité. Nous, quoi. Angaria, frère. Même si une femme a les bassins, comme toi, tu le penses. Tu vas puiser quoi? Qu'est-ce que tu vas tirer dans ces bassins-là? Il n'y a rien, ce n'est que le péché. Et c'est ce péché qui va t'amener à la mort. Tu laisses ta femme avec qui vous avez les enfants. Depuis votre jeunesse, mais ça veut dire comme tu es devenu rétrograde, dans Chaimani, quand tu vas juste ici à Likasi, tu couches avec des prostituées. Toi, frère. Et puis, tu penses que les gens ne savent pas ce que tu fais. Nous sommes au courant de ce que tu fais. Nous savons ce que tu fais. Et pourtant, la sœur, elle garde ses matins. Elle aussi, elle sait ça. C'est la vérité. Pourquoi? Tu es Akab. Tu es méchant. Tu étais en train de souffrir. Tu n'avais rien. Dieu du ciel, par compassion, il t'a aidé un tout petit peu pour manger aisément juste le boukari. Dans la maison, la paix a disparu. Ça veut dire Dieu a mal fait. Et Dieu, la sœur s'est dit, mais non. Quand on n'avait rien, nous étions vraiment unis avec cet homme. Mais depuis que nous avons eu un peu de moyens, le mari, il est intouchable dans la maison. Chaque jour, la sœur a elle a toujours mal au cœur. Elle est toujours frère, sache qu'au ciel, il y a un homme. Au ciel, il y a un homme. Et Akaba a amené Jézabel. Et c'était fini. Comme Jézabel est entré au milieu d'eux, Israël, tout Israël, ils se sont plongés dans Kwabudu Sanam. Tout Israël. Que Dieu bénisse. Il y a plusieurs alliances que vous pouvez faire dans ta vie, dans votre vie, dans votre maison. Et ces alliances font chasser Dieu. C'est la vérité. Ils ont fait entrer idolâtrie en Israël. Et Dieu ne supporte jamais quoi. Voilà la grande difficulté que nous avons maintenant dans le monde. Lorsque Dieu a remarqué Kwabudu Kwasanam, Dieu les a abandonnés. Et à chaque fois, idolâtrie se trouve parmi les hommes, Dieu les a toujours abandonné. Aujourd'hui, regardez dans le monde, une grande partie des hommes sont en train d'adorer Masanam. C'est la vérité. Et dans cette, notre dernier âge, Dieu nous a envoyé un prophète. Et le prophète, il nous dit toute chose dans ta vie que vous allez mettre avant Dieu, c'est votre idole. Que Dieu bénisse. Aujourd'hui, c'est combien de frères, combien de sœurs? Ce sont des idoles. Ni Baboudoua ya Salam. Bangapi. Combien? Angaria frère. Regarde-nous. Voyez même le, toutes ces choses que nous gagnons dans la vie. Ma réalisation, bah, toi, réalisation, ma les réalisations que nous faisons dans la vie. Vous luttez, vous travaillez. Vous payez la moto. Ce sont des sacrifices. Quelqu'un qui travaille et construit une maison, c'est des sacrifices. Quelqu'un qui travaille et paye le véhicule, Nikujito. Pourquoi il est sacrifice? Maintenant, le sacrifice que nous faisons, Dieu a avoir l'argent pour épouser, pour construire une maison, pour payer la moto. Pourquoi il est sacrifice? Pourquoi nous ne prenons pas ces sacrifices, le faire dans cet âge pour recevoir le Saint-Esprit? Pourquoi? C'est à cause de l'idolâtrie. Ninju à Kwabudu Kwasanam. Dans la vie de beaucoup de gens, les frères et les sœurs, le Dieu du ciel, il ne prend pas la première place. Beaucoup de gens, et ça c'est la vérité. Si toi tu me dis que dans ta vie, Dieu occupe la première place en toute chose, et si je t'ai posé la question, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu vas me donner comme réponse? Si Dieu, le Dieu du ciel, il avait constaté que dans ta vie, dans toute chose, tu lui donnes la première place, il devait déjà te bénir. Il devait déjà te bénir. C'est la vérité. Nous quoi? Comment est-ce que tu as beaucoup écouté la parole de Dieu? Des années après des années, est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit? Et pourquoi tu ne le reçois pas? Tu dois te poser cette question. Pourquoi jusque-là tu n'as pas le Saint-Esprit? Et pourtant la parole de Dieu et même les choses de Dieu, et Dieu est kukatikati de ta vie. Maintenant, pourquoi tu n'as pas le Saint-Esprit? Tu nous mens seulement. C'est la vérité. Nous quoi? Quelque part, vas-y, moya, dans ta vie, il y a des choses que tu es en train de privilégier plus que la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu, il est resté silencieux dans ta vie. C'est la vérité. Nous quoi? Idolâtrie aina kitu kizuri. L'idolâtrie n'est pas une bonne chose. Ni kitu kimo kibaya. C'est vraiment une mauvaise chose. Leo kipande kinene kia dunia. Aujourd'hui, une grande partie. Frère Branham a rubiré un message moi en intitulé Le Dieu de cet âge mauvais. Moi, c'est ma mungu wa kizazi kibaya. Frère Branham anasema hivi kizazi. Il avait dit cet âge. Ni kizazi kile où les bantu beko na abudu. C'est l'âge où les gens sont en train d'adorer Satan. Shetan. C'est la vérité. Nukwe. Comment ulianza kuabudu Mungu frère? Si tu étais en train d'adorer Dieu. Mungu alikuwa kusantre ya maisha yako. Ndio Mungu alikuwa katikati ya maisha. Alipasha kukubariki. Il devait déjà te bénir. Alipasha kukubariki. Il devait te bénir. Mais pourquoi usikubariki? Mais pourquoi il ne te bénit pas? Uko kwa kanisa? Tu es toujours dans l'église. Uko mwenye kutongozwa. Tu es séduit. Paka vile akaba alikuwa séduit. Dès que akaba. Na wewe uko séduit. Et toi également tu es séduit. Parce que tout on est chez Mukizazi, frère. Parce que nous vivons dans un âge de la plus haute séduction. Shetani, le diable, toi, il travaille avec son dernier énergie au point de faire à ce que l'église puisse être même devant par rapport à Shindia Sauti ya Mungu. L'église ici. Shetani, le diable est capable de travailler il fait que l'homme kanisa, inakua idol il yake. Considère l'église comme son idole. C'est la vérité. Nous quoi. C'est comme ça que le diable travaille. Nikizazi, ki c'est l'âge la plus mauvaise. Kya utongozi ya nivou ya yulu. Une haute séduction. Et les gens sont séduits. Mais ils sont toujours dans les églises. C'est la vérité. Nous quoi. Ce que vous mettez devant. Quoi, il y a d'autres personnes. Mon mari sait que quelqu'un qui mène. Lui dans sa vie. Ni la priorité c'est la maison. Bien. Quand il construit une bonne maison. Il paye bien. Des immeubles. Chez, et il prend son penchant, tout son cœur dans ses immeubles. Un autre, lui, place son idole. C'est dans l'économie. Que Dieu bénisse. Il regarde l'argent qu'il compte dans son compte, le bien qu'il a déjà reçu sur la terre, et avec un peu de bien qu'ils ont gagné. Et c'est ça le penchant. Et le diable lui retient sur ça. À l'église, pour venir dire la parole, il vient tout simplement. Mais le chose de Dieu, ce n'est pas vraiment le sujet dans son cœur. Les autres, ce sont des vêtements. Ah, lui, là, il est vraiment trop bas. Lui, tant qu'il n'était pas encore habillé, il peut s'absenter à l'église. Lui, il est vraiment trop bas. Lui, la finale, lui, pour lui, lorsque quand je m'habille mardi, je frappe encore le mercredi, je frappe encore le jeudi, chaque jour, je dois changer. Il faut les tendances, on va me sentir. Ici, personne ne va te sentir parce que tu es idolâtre seulement. Tu es seulement idolâtre. Dieu n'a rien à faire avec vous. C'est la vérité. Nous quoi. Tout ce que vous donnez en première. Qu'est-ce que vous mettez en première? Ce que vous mettez en première dans votre vie. Dieu nous a envoyé un prophète dans cette vie. Tout ce que vous considérez beaucoup, plus que la parole de Dieu, ça devient votre idole. Aujourd'hui, même les téléphones Android, c'est les idoles maintenant. Que Dieu bénisse. Quelqu'un peut passer 3 heures du temps sur son téléphone Android. Si nous osons poser la question dans cette église, combien de frères qui ont lu pendant 30 minutes la Bible dans cette église? Si on osait poser la question celle-là, on aura peur de main levée. Mais si nous osons poser encore la question, combien de frères qui ont fait même une heure du temps sur leur téléphone, n'est-ce pas, on aura beaucoup de mains. On aura beaucoup de mains levées. Il y a des frères, quand ils pensent le méga, il manque le méga, il n'a pas de paix. n'est pas tranquille. Mais quand il s'absente à l'église, il est tranquille. C'est un idolâtre. Ni moi, Bouddha, Sanam. C'est la vérité. Nous, quoi? Léo, mon frère, en arrière, Léo. Regardez aujourd'hui. Tellement j'étais né qu'on a tout mis dans la rue. Le diable travaille dans Boudjanja Badjou Kabis. Quelqu'un peut rester sur son téléphone. Et il ne considère pas ceux qui sont à côté de lui. C'est le roi qui est son esprit. C'est de zapper seulement son téléphone. Et tout ce qu'il est en train de zapper là, ça embrouille son esprit. Et tout ce que mon frère, ma soeur, vous aimez plus que la parole de Dieu, c'est automatiquement votre idole. Et depuis l'Ancien Testament, notre Dieu ne supporte jamais les idolâtres. Il ne supporte jamais les idolâtres. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez remarquer dans nos églises, Moko absence totale. Mungu, il y a l'absence totale. Il y a présence ya Mungu, de la présence de Dieu. Ouais, puis ya Mungu aina motena. C'est la vérité. Nous quoi? Aujourd'hui. Léoï. Aujourd'hui. Banduku mingi. Beaucoup de frères et beaucoup de soeurs. Quand vous les regardez à de près, même l'odeur de Dieu, ils n'ont pas. Juste l'odeur. Que les chrétiens ont tendance de sentir la présence de Dieu. Une grande partie, ils n'ont pas même cette atmosphère. Pourquoi? Ce qui a irrité Dieu, c'est quoi? Parce que les gens ne mettent pas Dieu au centre de leur vie. C'est la vérité? Nous quoi? Comment mon frère? Namna kani? Il peut se réjouir de ta vie. Au moment où il voit que vous lui mettez en dernière position en toutes choses. Comment? Namna kani? Comment est-ce que Dieu peut aimer cet âge? Comment est-ce qu'il peut aimer cet âge? C'est pourquoi on a dit que Frère Branham a roubi dans ses mots. Frère Branham, il avait prêché en disant le Dieu de cet âge, mon frère, c'est le diable. Nishetan. Et c'est le diable que les gens sont en train d'adorer. Parce que l'adoration est à mon frère. Parce que l'adoration de Dieu, lorsque un homme adore Dieu, regardez mon bizarre. Les gens adorent Dieu correctement. Les gens adorent Mungu. Dieu descend. Mungu shuka. Dieu descend. Dans chaque adoration qu'un homme fait, lorsque vous adorez Dieu dans la sincérité, Dieu il est dans l'obligation de descendre. C'est comme ça que notre Dieu fait. Maintenant, aujourd'hui, regardez comment les gens sont devenus tout froids. Et qu'est-ce qui a donné cette froideur? Qu'est-ce qui a amené la froideur? C'est parce que les gens ont donné la dernière place à Dieu. Et Dieu ne supporte pas. De la même façon, en Israël, il n'avait pas supporté. Et même aujourd'hui, il ne peut pas te supporter comme ça. Il ne peut pas vous supporter. Et c'est à vous, mon frère, ma soeur. Vous devez examiner dans votre vie. Qu'est-ce que vous êtes en train de privilégier dans votre vie? C'est à toi de faire l'examen. Dieu, il est sur le point de revenir. Et tu ne peux pas demeurer dans l'église et ta conscience te reproche que Auna Musawa na Mungu. Ça va vous servir à quoi d'être membre au tabernacle? Lorsque les enfants de Dieu ont emmené l'idolâtrie, frère, Dieu les avait abandonnés. Dieu, dans chaque âge, ne supporte pas faire entrer l'idolâtrie dans son peuple. Tout ce que vous mettez à priori, que ce soit le mariage, si le mariage précède Dieu, tu es devenu idolâtre. Même si c'est les enfants, même si c'est votre économie, même si c'est vos maisons, peu importe la colère ou les choses de la chair ou le vêtement, tout ce que vous mettez en première, sachez que c'est ça votre idole. Même si vos titres, on vous donne des responsabilités dans l'église, lorsque vos responsabilités là, vous commencez à placer ça devant Dieu, c'est ça votre idole. C'est ça votre idole. Et Dieu ne peut pas vous aimer comme ça. Il peut te supporter moi 4 mois fulani. Mais sa patience. Mais où vous milieu fiamou. Il est toujours par ses bouches. Il est pas quand amouisho yayo. Lèvons-nous pour la prière. Nous allons continuer. Et chacun de nous va méditer. Dieu ne supporte pas Kwaboudou Kwasalam. Non, Douku. Non, ma soeur. Et c'est ça l'erreur qu'avait commis les enfants d'Israël. Et chaque fois, chaque soeur doit regarder dans sa vie. Qu'est-ce que vous mettez en premier place? Là où vous êtes assis. Et là où vous êtes assis, ma soeur. Vous vous connaissez très bien. Tu connais ton cœur. Et personne ne connaît ton cœur. Il n'y a que toi et Dieu. Vous connaissez ce qui prend la première place dans votre cœur. Et c'est pourquoi vous allez demander à Dieu de vous assister pour faire sortir de cet état. Prions-nous tous ensemble. Nous devons tous prier. Nous demandons la miséricorde de Dieu.